Pedro Páramo. De Juan Rulfo. Adaptation Laure Egorov. D'après la traduction de Gabriel Yacouli. Tout a commencé avec Miguel Páramo. Moi seul ai su ce qui s'est passé la nuit de sa mort. Père, il faut nous le bénir. Non. Non, je ne le ferai pas. Ça a été un méchant homme, il n'entrera pas au royaume des cieux. Dieu m'en voudrait si j'intercédais en sa faveur. Je sais que vous le détestiez, mon père, et je comprends. L'assassinat de votre frère, que mon fils aurait commis, d'après ce qu'on dit. Le viol de votre nièce Anna, dont vous l'accusez. Les offenses et le manque de respect à votre égard. Tout le monde peut comprendre vos raisons. Et oubliez tout ça, mon père. Pardonnez-lui, comme Dieu lui a peut-être pardonné. Troisième épisode. Dis Anita, tu sais qui on a enterré aujourd'hui ? Non, mon oncle. Tu te souviens de Miguel Páramo ? Oui, mon oncle. Eh bien, c'est lui. Tu es sûr que c'était lui, n'est-ce pas? Sûr, non, mon oncle. Je n'ai pas vu son visage. Il m'a surprise la nuit, dans le noir. Alors comment as-tu su que c'était Miguel Páramo? Parce qu'il me l'a dit. Anna, c'est moi, Miguel Páramo. N'aie pas peur. Mais tu savais que c'était lui qui avait tué ton père, non? Oui, mon oncle. Alors, qu'as-tu fait pour le chasser? Je n'ai rien fait. Il a prétendu que c'était justement pour ça qu'il était venu, pour me présenter ses excuses et me demander pardon. Sans bouger de mon lit, je lui ai dit « la fenêtre est ouverte ». Et il est entré. Il m'a prise dans ses bras, comme si c'était là sa façon de se faire pardonner ce qu'il avait fait. Je lui ai souri. Je pensais à ce que vous m'aviez enseigné, que l'on ne doit jamais haïr personne. Je lui ai souri pour le lui faire comprendre, mais je me suis dit aussitôt après qu'il ne pouvait pas voir mon sourire, puisque moi je ne le voyais pas, tant la nuit était noire. J'ai seulement senti qu'il me montait dessus et se mettait à faire avec moi ce qui est mal. Mais tu dois bien avoir quelques certitudes. Sa voix. Ne l'as-tu pas reconnue à sa voix ? Non, je ne le connaissais pas du tout. Je savais seulement qu'il avait tué mon père. Je ne l'avais jamais vu et je ne l'ai pas revu ensuite. Je n'aurais pas pu, mon oncle. Mais tu savais qui c'était? Oui. Et aussi ce qu'il était. Je sais que maintenant, il doit être au plus profond de l'enfer. Parce que c'est ce que j'ai demandé à tous les saints de tout mon cœur. N'en sois pas si certaine, ma fille. Qui sait combien ils doivent être en train de prier pour lui en ce moment? Toi, tu es seule. Une prière contre mille. Et encore, quelques-unes d'entre elles sont beaucoup plus ardentes que la tienne. Celle de son père, par exemple. Il allait ajouter. De plus, je lui ai accordé le pardon. Mais il s'est contenté de le penser. Il n'a pas voulu meurtrir l'âme à demi brisée de cette petite. Il s'est empressé, au contraire, de la prendre par le bras. Rendons grâce à Dieu notre Seigneur de l'avoir ôté de la terre, où il a fait tant de mal. Et peu importe s'il l'a accueilli au ciel. Le père Renteria se retournait dans son lit sans pouvoir trouver le sommeil. Tout ce qui arrive est ma faute. J'ai peur d'offenser ceux qui me font vivre. Parce que la vérité est là, ils m'entretiennent. Des pauvres, je n'ai rien. Les prières ne remplissent pas l'estomac. Il en est allé ainsi jusqu'à présent. Et voilà où ça mène. C'est ma faute. J'ai trahi ceux qui m'aiment, me font confiance, désirent que j'intercède en leur faveur auprès du Tout-Puissant. Mais que leur a-t-elle valu leur foi? Le ciel? La purification de leur âme? À quoi bon la purifier leur âme si au dernier moment... Je vois encore le regard de Maria Diada quand elle est venue me demander de sauver sa sœur Eduviges. Elle a toujours servi ses semblables. Elle leur a donné tout ce qu'elle avait. Elle leur a même donné à chacun un enfant. Et quand elle le leur a présenté pour qu'ils le reconnaissent, aucun n'a voulu le faire. Mais elle s'est suicidée. Elle a agi contre la volonté de Dieu. Elle n'avait pas d'autre solution. C'est aussi par bonté qu'elle s'y est décidée. Elle a failli à la dernière heure. Voilà ce que je lui ai dit. Avoir accumulé tant de bonnes actions pour son salut et les perdre d'un coup au dernier moment. Mais elle ne les a pas perdues. Elle est morte dans de grandes douleurs. Et la souffrance... Vous-même, vous avez dit quelque chose à propos de la souffrance. Je ne m'en souviens pas. Elle en est morte en se tordant dans le sang qui la suffoquait. Je vois encore ces grimaces. C'étaient les grimaces les plus tristes qu'un être humain ait jamais faites. Peut-être qu'en priant beaucoup... Mais nous prions beaucoup, mon père. Je dis peut-être. Il se pourrait qu'avec des messes chantées... Mais il nous faudrait pour ça demander de l'aide, faire venir diacre et sous-diacre, et ça coûte de l'argent. Je l'ai encore devant mes yeux, le regard de Maria Diada. Cette pauvre femme, accablée d'enfants... De l'argent, je n'en ai pas. Et vous le savez, mon père. Laissons les choses comme elles sont. Remettons-nous-en à Dieu. Oui, mon père. Pourquoi ce regard devenait-il vaillant dans la résignation? Que lui en coûtait-il à lui de pardonner? Il était si facile de dire un mot ou deux, ou cent s'il le fallait, pour sauver une âme. Que savait-il, lui, du ciel et de l'enfer? Il connaissait pourtant, tout isolé qu'il était dans un village perdu, les noms de ceux qui avaient mérité le ciel. Il y en avait tout un catalogue. Sainte Nunilona, vierge et martyre, Anercio, évêque, Sainte Salomé, veuve, Alodie ou Elodie et Nulina. Voilà que je récapitule toute une succession de saints comme si je comptais les moutons. Il est sorti et a regardé le ciel. Il pleuvait des étoiles. Ce qu'il a regretté parce qu'il aurait aimé contempler un ciel serein. Il a entendu le chant des coqs et senti l'enveloppe de la nuit qui couvrait la terre. La terre, cette vallée de larmes. As-tu déjà entendu la plainte d'un mort? Non, Doña Eduviges. Tant mieux pour toi, mon enfant. Tant mieux pour toi. Il faisait maintenant nuit noire. La lampe qui brûlait dans un coin a commencé à languir, puis elle a clignoté et a fini par s'éteindre. J'ai senti que la femme se levait et j'ai cru qu'elle allait chercher une autre lampe. Ses pas n'en finissaient plus de s'éloigner. Je suis resté là à attendre. J'ai dormi par intermittence. Soudain, j'ai entendu la plainte. Ah, vie, tu n'es pas digne de moi. Je me suis aussitôt redressé, parce qu'il m'avait semblé l'entendre tout près de mon oreille. Peut-être avait-elle retenti dans la rue, mais je l'avais entendue résonner ici, comme engluée au mur de ma chambre. Quand je me suis réveillé, tout était calme. Il n'y avait que la vermoulure qui tombait des poutres. Et la voix du silence. Au bout d'un moment, la plainte a de nouveau retenti et traîné en longueur. C'est moi, Damiana. J'ai appris que tu étais là. Je suis venu te chercher. Je t'invite à dormir chez moi. Là, tu pourras te reposer. Damiana Cisneros, Seriez-vous de celles qui ont vécu à la Media Luna? Je vis là-bas. Voilà pourquoi j'ai tardé à venir. Ma mère m'a parlé d'une certaine Damiana qui veillait sur moi à ma naissance. Alors, c'est vous? Oui, c'est moi. Je te connais depuis que tu as ouvert les yeux. Je viens avec vous. Ici, ces cris ne me laissent pas dormir tranquille. N'avez-vous pas entendu celui qu'on vient de pousser? On dirait qu'on assassine quelqu'un, vous l'avez entendu? C'est peut-être je ne sais quel écho qui est enfermé ici. C'est dans cette pièce qu'a été pendu Toribio Aldrete, il y a bien longtemps. Ensuite, on a condamné la porte, jusqu'à ce qu'il soit desséché, pour que son corps ne puisse trouver le repos. Je ne sais comment tu as pu entrer. Il n'existe pas de clé pour ouvrir cette porte. C'est Doña Dubiles qui m'a ouvert. Elle m'a dit que c'était sa seule chambre disponible. Edubiges Diaz? Oui. Pauvre Edubiges. Elle doit encore errer comme une âme en peine. Je sous-signe Fulgor Sedano, homme de 54 ans, célibataire, régisseur de profession, habilité à intenter et à faire procès, par procuration et en mon nom, déclare et allègue ce qui suit. C'était ce qu'il avait dit en dressant acte contre les agissements de Toribio Aldrete, et il avait terminé sur ces mots. Que soit retenue mon accusation d'usufruit. Vous, Don Fulgor, vous êtes un homme, un vrai. Personne n'en doute. Je sais de quoi vous êtes capable. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir de celui qui est derrière vous. Il s'en souvenait. C'était la première chose qu'Aldrete lui avait dite quand ils s'étaient saoulés ensemble. Pour arroser le procès verbal, soi-disant. Avec ce papier, nous allons nous torcher, vous et moi, Don Fulgor. Parce qu'il n'est bon à rien d'autre. Et vous savez. Enfin, de votre côté, vous avez fait ce que l'on vous a demandé. Quant à moi, vous m'avez tiré d'embarras. Maintenant, c'est de quoi il retourne et j'en rigole, lui et son usufruit. Votre patron devrait avoir honte d'être aussi ignorant. Il s'en souvenait. Ils étaient à l'auberge et il avait lui-même demandé à Edubiges. Dis, Vigres, tu peux me prêter la chambre du fond? Oh, toutes celles que vous voudrez, Don Fulgor. Prenez-les toutes si vous voulez. Vous restez dormir ici avec vos hommes? Non, je t'en laisse un seul. Ne t'occupe pas de nous et va te coucher. Donne-nous seulement la clé. Je vais vous dire, Don Fulgor, un homme comme vous, personne ne peut manquer de respect. Mais votre fils de pute de patron me les casse. Il s'en souvenait. C'était la dernière chose qu'Aldrete avait dite en pleine possession de ses moyens. Ensuite, il s'était conduit comme un poltron en poussant des cris. C'est ce poltron qui doutait du pouvoir que j'ai derrière moi. Voyez-vous ça? Il a frappé avec le manche du fouet à la porte de la maison de Pedro Páramo en pensant à la première fois où il l'avait fait une quinzaine de jours auparavant. Et il a dû attendre un bon moment, comme il avait alors attendu. Il s'en allait quand la silhouette de Pedro Páramo s'était montrée. Entre, Fulgor. C'était leur seconde entrevue. La première fois, lui seul avait vu Pedrito, qui n'était alors qu'un nouveau-né. Puis cette fois-ci. Autant dire que c'était la première. Voilà pourtant que ce Pedro s'adressait à lui comme s'ils étaient cul et chemise. C'était un peu fort. Il l'avait suivi à grandes enjambées, en se fouettant les jambes. « Toi, tu ne vas pas tarder à apprendre que je suis celui qui sait. On va te le faire savoir. Et tu sauras aussi pourquoi je suis venu. » Assieds-toi, Fulgor. On sera plus à l'aise pour parler. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Je préfère rester debout, Pedro. Comme tu voudras, mais n'oublie pas le don. Lui parler ainsi. Pour qui ce morveuse prenait-il? Même son père, Don Lucas Páramo, n'avait pas osé en faire autant. Et voilà que celui-là qui n'avait jamais mis les pieds à la Media Luna, qui ne connaissait le travail que par où y dire, le traiter d'emblée comme un valet de ferme. Rien que ça. Comment vont les affaires? À mon tour maintenant. Mal. Il ne reste plus rien. Nous avons vendu les dernières têtes de bétail et nous avons des dettes. Le montant s'élève À qui devons-nous de l'argent? Peu m'importe combien, je veux savoir à qui. Au Preciado. Il lui avait lu une liste de noms avant de conclure en ces termes. Nous n'avons pas d'argent pour rembourser. Voilà le problème. Et pourquoi? Parce que votre famille a tout englouti. Toujours à demander sans jamais rien rendre. Ça se paye cher. Je leur ai pourtant dit et répété. À la longue, vous perdrez tout. Eh bien, ils ont tout perdu. Notez qu'il y en a dans le coin qui s'intéressent à l'achat des terres et qui payent bien. Ça pourrait couvrir les dettes et il resterait encore quelque chose. Quelque peu entamé, bien sûr. Par toi, peut-être. Comment pouvez-vous me suspecter de ça? Je suspecte même l'idiot du village. Demain, nous commencerons à régler nos comptes. On s'attaquera d'abord au Preciado. C'est à elle que nous devons le plus, non? Oui, et c'est à elle qu'on a rendu le moins. Votre père les a toujours fait passer en dernier. Je me suis laissé dire qu'une des deux, Mathilde, est allée s'installer en ville. À Guadalajara ou à Colima, ça j'en sais rien. Et la Lola, je veux dire Doña Dolores, est restée maîtresse de tout. Vous savez bien, la propriété d'En Medio. Et c'est à elle qu'il va falloir payer. Demain, tu iras demander la main de Lola. Mais comment voulez-vous qu'elle m'accepte, vieux comme je suis? Tu la demanderas pour moi. Après tout, elle a un certain charme. Tu lui diras que je suis très amoureux d'elle et qu'elle te dit si elle veut bien de moi. En passant, dis au père Renteria de nous arranger ça. De combien disposes-tu? De pas un sou, Don Pedro. Alors promets-lui que nous le paierons dès que nous le pourrons. Je suis presque certain qu'il ne fera pas de difficulté. Occupe-t'en dès demain. Et pour Aldrete? Qu'est-ce encore que cet Aldrete? Tu n'as parlé que des Preciado, des Fregoso et des Guzman. C'est quoi son affaire à celui-là? Une question de bornage. Il fait poser une clôture et maintenant il demande que nous la complétions pour que les limites soient bien claires. Ça peut attendre. Ne t'inquiète pas des clôtures. Il n'y en aura pas. La terre est sans enclave. Mets-toi bien ça dans la tête, Fulgor. Règle au plus vite l'affaire avec Lola. Tu ne veux toujours pas t'asseoir? Plus tard, Don Pedro. Oui, je vous assure que ça commence à me plaire d'avoir affaire à vous. Tu diras à Lola bien des choses de ma part. Et que je l'aime. C'est le plus important. C'est vrai, c'est Dano. Je l'aime. Pour son argent. Tu saisis? Tu t'occuperas de ça demain à la première heure. Je réduis tes responsabilités de régisseur. Pour l'instant, oublie la Media Luna. Pardonnez-moi de rougir comme ça, Don Fulgor. Je ne savais pas que Don Pedro s'intéressait à moi. Viens ici, petit domaine d'En Medio. Il n'endort plus de penser à vous. Ce n'est pourtant pas le choix qui lui manque. Il y a tant de jolies filles à Comala. Que diront-elles quand elles l'apprendront? Il ne pense plus qu'à vous, Dolores. À personne d'autre. Vous me donnez le frisson, Don Fulgor. Jamais je n'aurais imaginé ça. Et c'est un homme très réservé. C'est bien simple, Don Lucas Paramo, qu'il repose en paix, lui avait dit que vous n'étiez pas digne de lui. Alors, Don Pedro s'est tu, par obéissance. Mais maintenant que Don Lucas est mort, il n'y a plus aucun obstacle. Bon, fixons la date du mariage à après-demain. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas trop tôt? Je n'ai rien de prêt, il faut que je m'occupe de mon trousseau, que j'écrive à ma sœur. Dites-lui de patienter quelques petites journées. Il aimerait que ça se fasse tout de suite. Si c'est à cause du trousseau, on vous donnera ce qu'il faut. Le linge de la défunte mère de Don Pedro vous attend. C'est une coutume familiale. Mais il y a encore autre chose ces jours-ci. Des affaires de femmes. Vous comprenez? Oh, quelle honte de devoir vous dire ça dans nos Fulgor, vous me faites rougir. C'est la lune, vous comprenez? Oh, quelle honte. Et alors? Le mariage n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait lune ou pas lune. C'est une affaire d'amour. Et si l'amour est là, tout le reste n'a plus aucune espèce d'importance. Mais vous ne comprenez pas, Don Fulgor. Je vous comprends. Le mariage est pour après-demain. Il l'avait laissé les bras tendus, réclamant 8 jours. Seulement 8 jours. Il ne faut pas que j'oublie de dire à Don Pedro, quel garçon futé que ce Pedro, de penser à dire au magistrat que les biens doivent être sous le régime de la communauté. Souviens-toi, Fulgor, de le lui dire dès demain. Dolores, de son côté, avait couru à la cuisine avec une bassine pour mettre de l'eau à chauffer. Je vais faire descendre ça plus vite, ce soir même. Mais de toute façon, ça va me durer 3 jours, on n'y peut rien. Quel bonheur! Oh, mais quel bonheur! Merci, mon Dieu, de m'avoir donné Don Pedro. Même s'il doit me haïr ensuite. La voix l'a demandé et on ne peut plus d'accord. Ah. Le père Renteria veut 60 pesos pour oublier des bons. Je lui ai dit que nous les lui donnerions en temps voulu. Tu n'as pas demandé une avance à Dolores? Ah non, je n'ai pas osé. Mais c'est vrai, elle était si contente, j'ai pas voulu lui gâcher son plaisir. Tu es un enfant. Et voilà, moi un enfant. Avec mes 54 ans sur le dos. Alors qu'il commence à peine à vivre et que moi j'ai déjà un pied dans la tombe. La semaine prochaine, tu iras trouver Aldrete. Tu lui diras de remettre les clôtures où elles étaient. Il a envahi les terres de la Medialuna. Il a très bien pris les mesures, vous pouvez me croire. Eh bien, dis-lui qu'il s'est trompé. Qu'il a fait un mauvais calcul. Et démolit les clôtures s'il le faut. Et la loi? Quelle loi, Fulgor? Désormais, la loi, c'est nous qui allons la faire. Tu n'aurais pas un tordu sous tes ordres, la Medialuna? Ah oui, et pas qu'un. Eh bien, envoie-les faire une petite visite à Aldrete. Dépose plainte contre lui en l'accusant d'usufruit ou de ce qui te passera par la tête. Rappelle-lui que Lucas Paramo est mort. Qu'avec moi, il faut passer de nouveaux arrangements. Il a de nouveau frappé à la porte avec le manche du fouet, simplement pour insister, sachant déjà qu'on ne lui ouvrirait qu'au moment où Don Pedro l'aurait décidé. Entre, Fulgor! Alors, elle est réglée, l'affaire Toribio Aldrete? Liquidée, patron. Reste la question des Fregoso. Laisse-la en suspens. Pour le moment, je suis très occupé avec ma lune de miel. C'était Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Adaptation Laure Goroff. D'après la traduction de Gabriel Yacouli. 3e épisode. Avec Jacques Bonafé, le narrateur, Myriam Azenko, Maria Diada, Eric Caravaca, le père Renteria, Eric Charon, Juan Preciado, Florence Dupuis, Doña Eduviges Jeanne, Christine Gagneux, Damiana Cisneros, Elodie Hubert, Dolores Jeanne, Jean-Pierre Calfon, Don Fulgor, Nita Klein, Doña Eduviges, Denis Lavant, Pedro Páramo, Thierry Pietra, Toribio Aldrete, Georgia Scalier, Anna, et les voix de Paola Cordova, Sofia López, Odile Lauria, Giovanni Ortega, Emiliano Suarez, Manuel Ulloa. Bruitage, Sophie Bissantz. Musique originale, Lyon Milo. Violon, Sébastien Surel. Guitare, Ardon Dumont. Viol de gambe, Philippe Foulon. Percussion, Florent Jodelet. Flûte, François Dodin Claveau. Équipe de réalisation, Philippe Carminati, Émilie Couette, Cécile Lafont, Laure Egoroff. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, est publié aux éditions Gallimard.